Donc aujourd'hui, on va faire un peu comme l'introduction. On va regarder les premiers versets, voir un peu. Il y a quelque chose qu'il faut toujours tenir en mémoire. Quand vous arrivez et que j'arrive dans un livre de la Bible, je suis déjà... j'ai déjà une faiblesse d'interprétation parce que j'arrive avec mon bagage, okay, dans le livre. Donc, si mon bagage est bon, ça va m'aider. Si mon bagage est mauvais, ça va me nuire un peu. Mais si on en est conscient, ça nous aide un peu. Comment je dirais bien ça? Ça nous aide à être plus attentif. Il y a peut-être des fois que je vais faire une interprétation qui ne vient pas vraiment du texte, mais qui vient de mes pensées que j'ai accumulées à travers les années. Ben, on va en reparler un peu plus tard, voir cela. Il y a une influence. C'est vrai, quand on fait de l'herméneutique, on se dit qu'il faut essayer de se distancer du texte. C'est pas arrivé pour dire j'arrive, pas distancer, d'arriver dans le texte avec, puis se distancer de ce qu'on sait déjà, pour être capable un peu d'être un peu plus neutre. S'oublier soi-même. Oui, mais c'est, on pourrait avoir, si je suis un juif, si je suis un catholique, si je suis un musulman, on arrive à l'Épître aux Romains, on a déjà un bagage qui nous influence dans notre interprétation. Donc, il faut tenir compte de cela quand on va lire un texte. Vous allez comprendre tout à l'heure qu'est-ce qu'on va en parler. On va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous entamons un nouveau livre que tu nous as laissé, que tu nous as fait parvenir à travers les années, à travers les siècles, ce qu'on appelle l'Épître aux Romains. Et on aimerait, Seigneur, encore une fois, en ouvrant ce livre, en méditant, en priant, qu'on puisse bien te comprendre, toi, premièrement, ce qui va nous aider à nous comprendre et à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est toi la source de l'information que nous avons besoin pour te glorifier, pour te louer, pour te faire connaître, pour mettre nos vies en diapason avec toi. C'est la connaissance de ta personne que nous voulons par-dessus tout. Donc, nous ne voulons pas, premièrement, transformer nos vies ou changer nos vies pour être des meilleures personnes, mais on veut vraiment te connaître, toi, ce qui va faire de nous des meilleures personnes, parce que nous te connaissons. Donc, dirige-nous par ton Esprit Saint. Amen. Amen. Amen. Donc, vous êtes conscient que Patrick enregistre la session. Donc, faites attention de ne pas mettre vos doigts dans des places que vous ne devriez pas mettre. Donc, juste qu'on soit conscient. Des fois qu'on n'est pas conscient, ben, on fait des choses, mais juste pour dire qu'on est conscient mais de cela. Donc, on va commencer par... Je vais vous poser une question pour vous lancer de parler de cela. Qu'est-ce que vous savez de Paul? Parce que c'est Paul l'auteur. Puis on va regarder ce qu'on sait de Paul, comment ça va nous influencer dans notre interprétation de l'Épître aux Romains. Si moi je reçois une lettre par la poste qui n'est pas signée, je vais passer du temps à essayer de découvrir qui a écrit la lettre. Et quand je vais le savoir, hein, ça va peut-être changer ma compréhension de la lettre. Hein, on est conscient de cela. Dépendamment de la personne qui a écrit, ça peut nous aider à mieux comprendre ce qu'il va dire. Donc, qu'est-ce qu'on sait de Paul? Puis on va essayer de voir, si c'est ça de Paul, comment ça m'influence dans la compréhension de l'Épître aux Romains. Qu'est-ce qu'on sait? On peut se lancer, qu'est-ce qu'on sait de l'apôtre Paul? Ou Paul de Paul? Un juif, un pharisien. C'est un juif, premièrement, un juif. Donc, s'il est un juif, comment ça va m'aider à comprendre ou m'influencer? Le fait que je sais qu'il est un juif. Il connaît bien... Il a tout l'arrière-plan de l'Ancien Testament. C'est ça. Ouais. Donc, il connaît tout l'Ancien Testament. Donc, il va probablement citer des livres. Il va peut-être nommer des personnes, de l'Ancien Testament, il connaît la loi, il sait c'est quoi la loi, il était élevé dans la loi, il a eu une instruction de la loi, bonne ou mauvaise, mais il a été élevé dans la loi. Donc, il connaît aussi la culture juive. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire d'autre, le fait qu'il est un juif? Il ne mange pas de porc. Excuse, Daniel? Il ne mange pas de porc. Oui, OK, on va connaître, il va connaître les coutumes, parce que ça va nous influencer quand on va arriver au chapitre 14, où il va parler des fêtes, de la nourriture. Donc, il va savoir que à cause qu'il y a des juifs dans l'Église, il sait qu'est-ce que ces juifs-là pensent de certains jours de l'année. Comment est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils ne mangent pas? Il sait ces choses-là. Moi, je pourrais leur parler, je ne serais pas conscient. Si j'écrirais, mettons, à l'Église de Rome, je ne suis pas un juif, j'aurais de la misère à comprendre leurs objections, leurs questionnements. Moi, je me souviens, bien des fois, quand je suis allé faire des visites dans l'Ontario, dans le Canada anglais, on me posait un paquet de questions sur les catholiques. J'ai dit, par vos questions, je présume que vous n'avez pas été élevé dans une famille catholique. Non, non, on n'a pas été. Si vous aviez été élevé dans une famille catholique, vous ne me poseriez pas la question. Vous le sauriez par votre éducation. Vous ne vous poseriez pas la question, est-ce que tous les catholiques sont des chrétiens? Sont-ils tous sauvés? Ben, vous ne poseriez pas la question parce que si vous aviez été élevé catholique, vous auriez su que vous n'étiez pas sauvé dans cette église-là. Voyez-vous, ça l'influence. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... As-tu d'autres choses qu'on pourrait voir par rapport au fait qu'il est un juif? Ben, il est très instruit. OK. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait tantôt, là. OK. Instruit dans la loi? Ouais, c'est instruit ça. Académiquement parlant? Ben, dans la loi, là. Il me semble qu'on lit ça dans les... Attends un peu. C'est-tu dans les actes? Non, c'est pas là. Je m'en souviens plus. Il dit à quelques différentes places dans ses épîtres. Nous, on a tiré nos instructions là, parce qu'on a lu les actes des apôtres. Oui, c'est ça. On a lu les épîtres, peut-être d'autres sortes d'épîtres. Mais la personne qui recevrait l'épître aux Romains et qui n'a pas aucune connaissance de l'arrière-plan de Paul, ben, il ne sera pas au courant autant que nous sommes au courant. Là, moi, je parle de nous, parce que nous, on est au courant de qui un peu, c'est le livre des Actes des Apôtres qui va nous donner un peu son arrière-plan, d'où est-ce qu'il vient, comment il était sauvé, tout cela. OK, donc, on sait sur ça, c'est un juif. Isabelle a dit d'autres choses, c'était un juif spécial. Il est citoyen romain. OK, mais ça, c'est un autre part, on va le revenir, ça, Mathieu, tout à l'heure, on va y revenir. C'est un juif, mais il était aussi un... Pharisien. Pharisien. C'est quoi ça, un pharisien, selon vous autres? C'est les religieux de l'époque, là? Oui. C'est une secte, un groupe parmi les juifs qui était très zélé pour la loi. Donc, il était plus zélé que la moyenne des gens du peuple d'Israël dans la pratique de la loi. Pas juste la connaissance, mais la mise en pratique. Il était plus au pied de la lettre que la majorité des juifs étaient. OK, donc, ça va nous donner ça. Il va comprendre c'est qui les pharisiens, comment ils pensent les pharisiens. Puis on sait par les Actes des Apôtres qu'il y a beaucoup de pharisiens qui se sont convertis aussi. Donc, les pharisiens, ils les connaissaient. Donc, ils savaient comment les approcher. Donc, des fois, quand il va parler, on va voir dans l'Épître aux Romains que, il y a une connaissance des Romains, des pharisiens. Puis le fait qu'il ait été élevé dans la loi, il va comprendre aussi ce dilemme que la loi était là, elle venait de Dieu, puis d'un coup il se convertissait. Est-ce que la loi est encore bonne? Est-ce qu'on devait la garder? Est-ce qu'on ne devait pas la garder? On continue-tu à la mettre en pratique? Qu'est-ce qu'on ne mettait pas en pratique? Qu'est-ce qu'on mettait de côté parce que c'était accompli par la mort de Jésus-Christ? Tout cela pour lui, c'est dans son vécu. C'est là Donc, il va être capable de comprendre. Nous, on va être un petit peu handicapés en lisant, parce que nous, on n'a pas tout cet arrière-plan-là. Donc, il va falloir un peu pallier et dire, mais qu'est-ce que Paul voulait dire quand il parle de ça? Mm-hmm. Qu'est-ce que les gens ont compris, ces Juifs-là, eux autres? Nous, on a de la misère à comprendre, parce que tout au long de l'Épître aux Romains, il va faire un débat entre les Juifs et les non-Juifs. Et comme Matthieu a bien mentionné, il n'était pas juste juif, il était aussi un citoyen romain. Ah. Il a été élevé en dehors d'Israël en partie. En Tarse, en Cilicie. Donc, il va avoir aussi une compréhension des non-juifs. Il va les avoir vus vivre autour de lui. Ce qui n'aurait pas été le cas, mettons, pour l'apôtre Pierre qui a vécu toute sa vie en Israël. Paul va avoir une meilleure compréhension des juifs, des non-juifs, des païens. Il va comprendre mieux leur culture. Il va même citer des fois leurs poètes, leurs écrits. Donc, ils connaissent, là. Donc, c'est quelque chose que, moi, sachant ça, ça va m'aider un peu à comprendre qu'est-ce que Paul est en train de dire. Je dirais, mais pourquoi est-ce que Paul parle de la culture romaine? Il est un juif. Si je ne le sais pas, je vais avoir de la misère à comprendre. Mais je vais dire, ah, je comprends, parce qu'il était aussi un citoyen romain. Ça va m'aider à comprendre son bagage et sa comparaison. Oui, Daniel? Dieu, il est fort, hein? Dans quel sens? Dans le sens que il a appelé Paul, un juif, à être l'apôtre des païens. Oui. Fait que, à cause qu'il connaît les païens, ben, c'est Dieu est puissant. Il a tout organisé, orchestré ça. Dieu a choisi un homme bien spécial pour faire cela. Et c'est, comment je dirais bien ça? Dans sa souveraineté, il n'a pas choisi quelqu'un puis l'a transformé. Il a choisi quelqu'un qui avait déjà une éducation juive et païenne. Il était cherché le théologien Paul pour l'emmener et écrire un traité théologique sur l'Évangile. Donc, il faut se rappeler qu'il fait la même chose avec nous. Il nous a choisi nous, et c'est pas par hasard. Il nous a choisi avec notre personnalité, nos talents, nos capacités, hommes, femmes, éducation, universitaire, électricien. Il nous a choisi avec un métier, avec une compréhension très précise. Des fois, je dis aux chrétiens, personne ne peut faire ce que j'ai à faire dans le corps de Christ. Je suis le seul que Dieu a mis en place pour faire ce que moi j'ai à faire. Je ne peux pas me faire remplacer par quelqu'un d'autre et dire, bon, ben, je vais aller en vacances pendant une dizaine d'années, m'en faire remplacer. Non. J'ai un travail à faire que moi seul peux faire dans l'œuvre de Dieu. Donc, OK, on dit qu'il est un juif et qu'il est aussi un citoyen romain. Un juif pharisien. OK, donc, qu'est-ce qu'on sait donc de Paul? Un serviteur de Jésus-Christ. Apôtre. Un apôtre, oui. Un apôtre, on va voir, c'est un petit, il va nommer les deux choses tout à l'heure. Il va dire serviteur de Jésus-Christ et apôtre. Donc, c'est un apôtre. Qu'est-ce que ça veut dire le mot apôtre? Un envoyé. Envoyé. Donc, il a été envoyé par Jésus. Donc, ça présuppose qu'il a rencontré Jésus. Jésus ne pouvait pas l'envoyer s'il ne l'aurait pas rencontré. On va voir que c'est une chose qu'on sait, qu'on peut savoir, que l'apôtre Paul a eu des apparitions du Seigneur Jésus à quelques reprises. Donc, sans ça, il ne pourrait pas être un apôtre. Et le fait qu'il l'a rencontré, ça va nous aider à comprendre certaines choses. Quand il va dire, le Seigneur, c'est pas le Seigneur qui me le dit, c'est autre chose. Donc, des fois, c'est le Seigneur qui lui a dit directement dans son épître. D'autres fois, ça va être plutôt une révélation ou une déduction qu'il va faire. Là, c'est pas le Seigneur qui parle, c'est moi qui parle. Ça veut dire, ça m'a pas été dit directement, c'est ma compréhension que j'ai de l'Évangile que je vous écris là. Donc, on va dire comment ce qui fait la différence entre les deux. Ah, Oui, on comprend. Il y a eu des apparitions. Donc, il y a des fois que le Seigneur Jésus lui a parlé directement dans une vision, dans un songe, dans une apparition. Donc, l'apôtre Paul est un apôtre. C'est-à-dire qu'il y a aussi un... Ça veut dire qu'il y a une autorité. Il y a l'autorité de celui qui l'envoie. Moi, si j'envoie Matthieu faire quelque chose, Matthieu n'a pas plus d'autorité que j'en ai. Il ne peut pas dire « j'ai une autorité très grande », il va dire ouais, « tu n'as pas plus que François ». C'est François qui t'a envoyé, donc tu as l'autorité que François a. Mais si tu dis « c'est Jésus qui m'a envoyé », oups, ça change la donne. Hein, si tu arrivais avec une lettre, avec le sceau du roi, tu avais une grande autorité. Tu donnais ça, puis c'est le roi qui parlait. C'est lui qui t'avait envoyé avec la lettre. Donc, aujourd'hui, on comprend le rôle des ambassadeurs, mettons, qui est du Canada, qui vont dans d'autres pays. Ils ont l'autorité que le Canada a, qui les accompagne. Donc, l'apôtre Paul, il est un apôtre que le Seigneur Jésus a envoyé avec une mission. On va le voir tout à l'heure, quelle mission il lui a donné. Donc, mais ça, là, quand il me parle, c'est pas juste l'homme qui me parle. Il y a quelqu'un derrière l'homme qui me parle. Mm-hmm. Okay, donc, c'est plus que le pasteur m'a dit. OK? Ben, oui. Parce que j'ai lu un livre de John Piper, puis ça me dit, il a dit ça. Alors, c'est correct, ça peut être très encourageant, très édifiant, mais ça n'a pas la même autorité que dire. Parce que je peux argumenter avec John Piper, mais je ne peux pas argumenter avec les Écritures. Les Écritures ont dit ça. Tu veux le prendre et de dire, ben, je vais essayer de le comprendre le mieux possible, mais je ne peux pas argumenter avec l'Écriture. Donc ça, c'est ce qu'on sait de Paul. Un juif, un citoyen romain, un pharisien, puis il était un apôtre. Et on a parlé qu'il y avait eu des apparitions. Ça aussi, ça va nous aider à comprendre. Voyez-vous comment est-ce qu'on arrive avec notre bagage dans le livre? On arrive avec ça dans le livre. Donc, oups. Et qu'est-ce qu'on sait aussi de Paul, à part ça? Il a persécuté les chrétiens. Donc, c'est un persécuteur de l'Église avant. Ça aussi, c'est une chose à se rappeler. C'est un persécuteur de l'Église avant. Un juif qui s'est converti, puis on connaît comment il s'est converti. OK, on sait qu'il y a eu une conversion spéciale, dans le sens qu'il y a eu une apparition. On sait qu'il était... Sa conversion a été d'une façon un peu spéciale, donc ça y donne un statut spécial en tant que chrétien, en tant qu'apôtre, en tant que serviteur de Jésus-Christ, en tant que... Ça lui donne un rôle spécial. On sait que sa conversion a été spéciale. Puis qu'est-ce qu'on sait d'autre de lui? Il est un apôtre, mais un apôtre, hein? Qu'est-ce qu'on sait? Des païens. Un apôtre des païens. Hein? On sait que l'apôtre Paul était apôtre des Juifs. Lui était apôtre des païens. Donc, ça va lui donner une autorité auprès des païens. Ce qu'on va voir tout à l'heure, il va parler dans son introduction à vous qui êtes appelés, qui êtes de Rome, comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, à amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. Donc, je vous approche, étant un apôtre de Jésus-Christ auprès des païens. Donc, ça va lui donner une autorité spéciale auprès des païens, spécial en considérant que même l'apôtre Pierre n'a pas la même autorité auprès des païens, des chrétiens non-juifs. Donc, ça va lui donner une autorité là, spéciale, une façon de parler que Pierre n'aurait pas parlé comme cela. Mais Paul parle de même parce qu'il est l'apôtre des païens. Et les païens vont avoir une... Moi, je dirais bien ça... Une façon de mettre en pratique l'Évangile va être un peu différente d'un juif qui est sous la loi, qui a la circoncision, et que mais le païen pas de circoncision. Puis Paul, il dit, j'ai une autorité là, pour parler de ça que même l'apôtre Pierre n'a pas. Donc, l'apôtre des païens. As-tu d'autres choses qu'on pourrait voir? C'est un homme qui avait une grande instruction. Il avait été instruit auprès de... Gamaliel. Gamaliel. Gamaliel, ça, c'était... C'était le... Je voudrais dire ça, le... Comment est-ce qu'on disait ça? C'était le... Un docteur de la loi à un plus haut niveau. Donc, c'était un des plus grands rabbins. C'est le mot que je cherchais. Un des plus grands rabbins dans l'histoire des Juifs. Et l'apôtre Paul dit, j'ai étudié auprès de Gamaliel, j'ai une grande instruction, j'ai été instruit par le plus grand en ce qui concerne la loi juive. Okay, donc, c'est comme s'il avait étudié à Harvard. Oui, c'est certain. Si tu as étudié à Harvard, si tu dis j'ai étudié à Yale ou à Princeton, ça me dit tout de suite que tu as une capacité un peu plus grande que la moyenne. Okay? Je me souviens toujours de ça en joke. Je jouais au badminton, puis j'avais ramassé au comptoir familial un gilet. Sur le gilet, ça marquait Harvard. Puis pendant les quelques semaines, tout le monde me regardait. Personne n'osait poser la question si j'avais été étudié à Harvard. Finalement, il y a une femme qui était un psychiatre qui vient me voir. Elle dit, as-tu vraiment étudié à Harvard? Je dis, ben oui, comme moi, j'ai mon gilet. Donc là, elle part, elle dit, ah ouais, puis je voyais dans sa figure que c'était, waouh, c'est sérieux. Ben j'ai dit, non, c'est une joke, là, j'ai ramassé ça au comptoir familial, le gilet. Là, elle a dit, ouf, là, en tout cas, en venant dire, j'ai un gars ordinaire avec moi, tu sais, là, c'était comme, il y avait un impact, suite dans sa vie, ça avait un impact, il faut que je fasse attention comment je vais parler. Il a étudié à Harvard. Comme Paul étudie auprès de Gamaliel, ça y donnait une espèce, chez les Juifs, une espèce d'autorité, une espèce de... Renommée. Bon, ouais, une renommée. Ça va lui donner une renommée, moi je dirais bien ça. Les gens vont le voir comme étant quelqu'un qui réfléchit, qui pense, qui est intelligent, qui a étudié. Parce que tu ne pourras pas étudier avec Gamaliel à moins d'être dans la haute capacité. J'ai été mandaté de faire, c'est ça que je vais faire auprès de vous, par écrit. OK, par écrit cette fois-là. Parce que je ne peux pas y aller encore et en os, comme on dit, en chair et en os. Je ne peux pas y aller, donc je vais vous écrire, je vais vous prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu. Qu'est-ce qu'un mot évangile veut dire? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Dieu a une bonne nouvelle à nous annoncer. Amen. Et envoie l'apôtre Paul nous la dire chez les païens. Souvenez qu'il va dire au chapitre 10, comment peuvent-ils devenir des croyants s'ils n'entendent pas parler de l'évangile? Personne ne peut se convertir à moins que quelqu'un parle. Ça, on le sait, ça. Hein? Donc, l'apôtre Paul dit, j'ai une nouvelle que je vais vous annoncer à vous, les païens, la bonne nouvelle de Dieu. J'ai été mandaté spécialement pour ça, de vous parler de cette bonne nouvelle-là de Dieu. Ça, c'est sa mission. Donc, nous, on doit lire l'Épître aux Romains, du moins jusqu'au chapitre, fin du chapitre 11, on doit la lire en disant, je veux comprendre l'Évangile de Dieu. C'est ça que je veux, premièrement. Je veux pas, je cherche pas à savoir comment je dois faire les choses, je cherche premièrement à savoir l'Évangile, la connaître, la comprendre. Je disais ce matin à une sœur qui dit, on doit savoir ce que Dieu a dit avant de vouloir le mettre en pratique. Il faut que je comprenne ce que Dieu a dit. Ça ne veut pas dire que je vais être toujours capable de le faire. Mais c'est important que je sache qu'est-ce que Dieu a dit. OK? Donc, moi, je suis un être faible, comme vous, on est des êtres pécheurs. Malgré qu'on est des êtres pécheurs, faibles, on peut dire « Dieu a dit ». Je ne suis pas toujours le modèle parce que je le fais, mais je peux te dire ce que Dieu a dit. Okay? C'est ça. Si tu me regardes, je suis obligé d'avouer que des fois, je ne le fais pas. Mais je peux te dire ce que Dieu a dit. Je peux te prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va voir ça ensemble. Il faut bien comprendre ça. Pendant 11 chapitres, on va essayer de comprendre l'Évangile ou la bonne nouvelle de Dieu. Comment je vais savoir si l'Évangile que je prêche est l'Évangile de Dieu? C'est ce qu'il nous dit au verset 2. Daniel, veux-tu le lire, verset 2? Oui. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Ah! Donc, il y a une origine, là. OK? Ici, on voit que notre apôtre Paul, juif, qui connaît les prophètes de l'Ancien Testament, l'évangile que j'ai reçu, ou l'évangile que je prêche, est tel qu'avait été annoncé dans l'Ancien Testament. On a un petit handicap, nous autres, hein, parce qu'on connaît moins l'Ancien Testament. Mais je suis content que l'apôtre Paul connaissait bien l'Ancien Testament. Mm-hmm. Ouais. Okay? Lui, il peut aller vérifier. Lui a vérifié. Est-ce que le Jésus qui m'a parlé, est-ce que le Jésus que j'entends, est-ce que le Jésus que je prêche, c'est le Jésus de l'Ancien Testament? Est-ce que c'est l'Évangile de l'Ancien Testament? Est-ce que c'est en accord avec ce que les prophètes avaient dit? Vous vous souvenez, hein? Quand vous lisez les Actes des Apôtres, Paul appuie toujours ce qu'il dit avec des textes de l'Ancien Testament. Puis il va le faire ici encore, dans l'Épître aux Romains, il va aller dans notre chapitre 4, il va aller chercher Abraham. Les promesses qui avaient été faites à Abraham, il va s'en venir avec, il va en parler. Il a dit, dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis, puis à travers des prophètes, il a promis, il a parlé à travers des prophètes, puis il nous a annoncé l'Évangile qui devait venir. Il nous l'a dit. Donc, c'est important que l'Évangile que j'ai est en accord avec l'Ancien Testament. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, le Jésus dont tu me parles n'est pas le vrai Jésus. Comment ça tu dis ça? Ce n'est pas celui qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. C'était quoi? Sans nommer cette personne-là, c'est de quel Jésus il parlait? Il parlait d'un Jésus plutôt, comment je dirais ça, modèle, un Jésus qui venait pour nous parler, nous montrer comment bien vivre. J'ai dit, celui de l'Ancien Testament, c'est pas ça qu'il annonçait. Il devait mourir, il devait être ressuscité. C'était un Jésus qui venait mourir pour porter les péchés d'un peuple. C'était pas juste un modèle comme tel. Donc, moi, vu que j'ai pas la connaissance de l'Ancien Testament, comme je pourrais avoir, je suis content que celui qui m'annonce l'Évangile, c'est un expert de l'Ancien Testament. Son nom, c'est Paul. C'est un expert. Lui, il va dire, l'Évangile que je vous annonce, là, c'est celle que les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient. OK? Je peux dire, mais en tout cas, Paul, lui, il était convaincu que son évangile, c'était celle qui avait été promis par l'Ancien Testament. Donc, les Juifs qui connaissaient aussi l'Ancien Testament pouvaient aller vérifier si ce que Paul disait était vrai. Comme on a vu, vous avez vu dans les Actes des Apôtres, les Juifs de Bérée allaient voir dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Était concordé avec l'Ancien Testament. Ouais. c'est dans ce sens-là qu'ils ont pu vérifier comment est-ce qu'on pouvait savoir que le Jésus était le vrai Jésus. Quand Jésus s'est présenté au peuple, il disait, « Es-tu le vrai Messie? » Oui, je suis le Messie annoncé par l'Ancien Testament. OK? Je suis le Jésus. Si tu veux voir, tu vas voir qu'est-ce qu'il disait de Jésus, du Messie, tu vas voir que c'est ça que j'ai fait. C'est ce que j'ai accompli. C'est ce que je dis. C'est... Tu trouveras pas de faille avec ce que je dis. C'est ce qu'il dit à Jean-Baptiste, hein? Oui, c'est ce qu'il dit à Jean-Baptiste. Allez dire à Jean-Baptiste que celui de l'Ancien Testament avait été annoncé, ben il est là. Mm-hmm. Je fais ce que l'Ancien Testament avait annoncé. OK? Et ça devient important avec... C'est Isabelle qui tourne des feuilles, là. C'est Isabelle qui joue avec ses feuilles proche d'un micro, je pense. OK, donc, vous allez voir l'Évangile de Dieu qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et là, le verset 3 va, et le verset 4 va nous donner quelque chose d'important à comprendre. Patrick. Verset 3 dit, « Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, « et qui concerne », c'est quoi ça, « et qui concerne » Le mot « concerne » a quoi comme sujet? L'Évangile. L'Évangile de Dieu. De Dieu. L'Évangile concerne une personne. C'est ça. Mes frères, ma soeur, c'est important qu'on se rappelle ça. L'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu, c'est une personne. Mm-hmm. C'est pas juste des versets, c'est pas juste des mots un après l'autre. L'Évangile me parle d'une personne. Et c'est ce que Paul va faire dans les chapitres. Il va parler d'une personne, de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a accompli, de qui Jésus était. Il va parler de la personne de Jésus. Cet évangile qui concernait la personne de Jésus. Donc, si on n'annonce pas la personne de Jésus, on n'annonce pas l'évangile. On annonce une religion, on annonce peut-être des pratiques religieuses, mais on ne parle pas de Jésus. L'autre jour, je parlais avec deux témoins de Jéhovah qui étaient venus à ma porte, et les deux témoins de Jéhovah, on a parlé pendant une heure et demie ensemble à la porte. Et il dit, on croit la même chose. J'ai dit, non, on ne croit pas la même chose. Il dit, toi, là, tout le temps que tu m'as parlé de règles, de lois, de ce que chose, des choses à faire ou ne pas faire. Moi, ça fait une heure que je te parle d'une personne qu'on appelle Jésus. Ça, c'est la différence entre toi et moi. Toi, tu parles d'une religion. Moi, je parle d'une personne. On a eu du problème technique de son. Oui. Ça doit être sur Internet, le signal, j'imagine. C'est Amélie, là. C'est le petit débat, là. Donc, ça a passé, là, c'est correct. Donc, est-ce que vous comprenez la différence? Souvent, vous avez peut-être dit, comme j'ai dit, je ne suis pas venu ici pour te parler d'un mouvement religieux, je suis ici pour te parler d'une personne. Ça, c'est important qu'on dise ça aux gens à qui on s'adresse. Je suis ici pour te parler d'une personne. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, quand j'ai commencé à enseigner, ça faisait quelques années. Il y a une personne dans l'église qui est venue me voir et elle me dit, « François, tu prêches, mais tu ne nous parles pas de Jésus. » Sur le coup, ça m'avait frustré, je vous garantis, ça m'avait frustré. Contrarié. Oui, ça m'avait contrarié. « Qu'est-ce que tu rabotes là? C'est moi l'enseignant, cette-là. » Mais elle dit, « Tu nous dis quoi faire puis pas faire, mais tu ne nous parles pas de la personne de Jésus. » C'est quelques années plus tard que j'ai compris qu'est-ce que vous voulez me dire. plus je dis que je parle avec les croyants de la personne de Jésus, de ce que Jésus a dit, a fait, ce qu'il a accompli, je trouve que les croyants sont plus réceptifs à ce que je dis que si je parle de choses à faire ou à ne pas faire. Parce que choses à faire, ne pas faire, toutes les religions, je vous dis, toutes les religions ont à peu près la même chose. D'un côté moral, là, tu ne voles pas, on a pas mal les mêmes choses. Mais quand on parle de Jésus, oups, là, il y a une grande différence. Donc, l'Évangile, la bonne nouvelle, ça concerne. Et ça concerne son fils né de la postérité de David, qui veut dire quoi? Selon la chair. Donc, il vient de la tribu de David, c'était l'annonce faite de l'Ancien Testament, hein? Il devait naître de la descendance de David, il est né juif de la postérité de David, le juif devait naître, les promesses des prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé qu'il y aurait un descendant de David qui naîtrait, qui serait le roi d'Israël, un roi qui aurait un règne éternel, selon la chair, et déclaré fils de Dieu. Donc, il va fils de Dieu et fils de l'homme, ou de David, et fils de Dieu. Donc, il va nous parler des deux natures. On va revoir ça dans l'Épître en s'en allant. Que quand on parle de l'Évangile, on parle de quelqu'un qui a deux natures. Et notre tendance, des fois, quand on annonce l'Évangile, on a tendance à parler plus de la nature humaine de Jésus. Qui est mort, sur une croix, qui a pris notre place, qui a payé nos péchés, puis qui est ressuscité. On a tendance à parler un peu plus de sa nature humaine. Mais il ne faut pas oublier que l'Évangile concerne les deux natures. Cette personne qui a deux natures, nature humaine, qui vient de David, une nature divine. Et on va voir que l'apôtre Paul, quand il explique l'Évangile, ou les effets de l'Évangile, nous devons croire que Jésus a deux natures, sans ça, ça ne fait pas de sens. Okay? Quand il va parler du sacrifice propitiatoire pour calmer la colère de Dieu, on va voir que ça prend un sacrifice qui est plus qu'humain. Il y a aussi du divin dedans. Le côté divin donne une valeur infinie au sacrifice humain. Et donc, il y a les deux côtés de la médaille qui vont être là. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous le dit. Puis il nous dit ici, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Comment vous comprenez ça? Sa nature divine ou sa nature... Il était déclaré fils de Dieu par la résurrection. Comment vous comprenez ça? Mais les hommes ne ressuscitent pas. Les hommes simplement ne ressuscitent pas. Le fait qu'ils ressuscitent fils de Dieu, il a la même nature que Dieu, si on peut dire, que son père. OK. Donc, est-ce que... parce qu'ici, il attribue, il dit, avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Donc, c'est comme si c'était l'esprit de sainteté, l'esprit de Dieu, l'esprit saint, qui a ressuscité Jésus. OK? Donc, par la puissance du Saint-Esprit, il a ressuscité Jésus. Mais pourquoi le fait de ressusciter... Quand Jésus a ressuscité Lazare, ça n'a pas fait de Lazare fils de Dieu dans ce sens-là, là. OK? Mais pourquoi le fait que Dieu a ressuscité Jésus fait de lui le fils de Dieu? Selon l'esprit de sainteté. Par la résurrection d'entre les morts. Donc, est-ce qu'on va... Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre là qui... Qu'est-ce qui fait de lui? Dans les évangiles, mettons, quand on essaie de voir la divinité de Jésus-Christ, on a des différentes façons de le voir. Okay? Donc, Jésus l'a dit. Hein? On sait que Jésus a dit je suis un avec le Père, moi et le Père, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il a déclaré sa nature divine dans l'évangile de Jean. Mais si l'apôtre Paul, il dit que ça, il est déclaré fils de Dieu par la résurrection. Parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Ben, il est ressuscité d'entre les morts. Tu sais, il a vaincu la mort. Ben, ouais, parce qu'il est la vie, fait qu'il... Parce que Dieu a prouvé son sacrifice en le ressuscitant, mais Jésus étant la vie, il pouvait pas rester mort. J'essaie de faire un lien, là. Oui, mais si... On va voir plus loin, peut-être dans l'Épître, on va voir que l'apôtre Paul va peut-être revenir sur le sujet. Dieu, en le ressuscitant d'entre les morts... C'est lui qui a accepté son sacrifice. Là. En quelque part, il approuvait ouais, le ça. Personnage. OK, il mettait un sceau sur le personnage. Mm-hmm. Nous, les êtres humains, on le fait mourir. Nous, les êtres humains, on l'a tué, hein, on l'a exécuté, on l'a sacrifié, on l'a mis sur une croix. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, Dieu donne une certaine approbation à la personne de Jésus. Il en fait quelqu'un de spécial. Il donne un statut spécial. Mais on va voir que, est-ce que il veut me parler premièrement de sa nature ou s'il veut qu'on comprenne, parce qu'il dit que l'Évangile, c'est, ça concerne une personne qui est née de la famille de David, mais ça concerne aussi une personne qui était déclarée fils de Dieu, par Dieu. Et c'est par sa résurrection que Dieu le fait. Donc, Dieu va, c'est comme s'il était en train de dire, Dieu a approuvé, Dieu a déclaré ce que Jésus a fait comme étant correct, comme étant venant de lui, en le ressuscitant d'entre les morts. Je ne sais pas si Dieu voulait que je comprenne qu'il était divin, comme s'il voulait que je comprenne qu'il était venait de lui, qu'il s'était approuvé par lui. Mm-hmm. Oui, Mathieu? Dieu, en ressuscitant Jésus, il approuvait sa vie, il approuvait aussi ce que Jésus a dit. Donc, une fois que Jésus disait « Je suis comme le Père, je suis un avec le Père », ça veut dire que Dieu approuvait que Jésus disait ces choses-là. Donc, il faisait de lui, naturellement, un être divin, il l'était, là, il l'approuvait. Oui, donc, si... il a approuvé ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il l'a fait, mais pour me montrer que c'était l'Évangile de l'Ancien Testament, annoncé par les prophètes, est-ce que Dieu devait ressusciter des morts? S'il n'avait pas ressuscité des morts, est-ce que ça aurait été un flop pour l'Ancien Testament? Dire, c'est pas l'Évangile de Dieu dans l'Ancien Testament, promis, parce qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Est-ce que l'Ancien Testament nous annonçait sa résurrection? La réponse est oui. Il me semble que oui, mais c'est pas dans Isaïe qu'il ne verra pas la corruption. Oui, dans les psaumes. Dans les psaumes, Paul, Pierre va citer dans Acte 2, ressuscité dans les psaumes, psaume 110, que Jésus-Christ va être déclaré Seigneur parce qu'il l'a ramené à la vie. Il a pas permis qu'il voit la corruption. Il l'a appelé, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il y a tout un processus qui s'est fait. Mais est-ce que cet évangile promis dans l'Ancien Testament concernait quelqu'un qui naîtrait de la famille de David et que Dieu, par sa puissance, le ressusciterait d'entre les morts? OK, donc, c'est cet évangile-là que moi, j'ai été mandaté de vous annoncer. Et ça, ça a un gros impact, surtout chez les Juifs, parce que si tu es capable de prouver à un Juif que Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, tu as toute une poigne. Tu gagnes du terrain en bébite, là. OK? Parce que comment est-ce qu'on peut aller contre l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament? Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Wow! ça doit être lui. Ça doit être le, ça doit être le Messie. Ça doit être, ça doit être, ça doit être ça l'évangile que Dieu nous a annoncé. Voyez-vous, donc, ça va. Parce que l'apôtre Paul, son but premier, sa mise à part, son appel, son envoi, son service, c'est de m'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Donc, il dit, pour te montrer que la bonne nouvelle que j'annonce, c'est la vraie, c'est l'unique, c'est la, la bonne nouvelle de Dieu, je vais tout appuyer ça sur l'Ancien Testament. Je vais tout appuyer ça sur l'Ancien Testament. Mm-hmm. Nous, on est un petit peu handicapés, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un petit peu handicapés parce qu'on n'a pas une grande connaissance de l'Ancien Testament. Mais, je ne me sens pas si mal parce que les Romains, les païens, non plus la connaissaient pas. Près comme moi, hein? Près comme chacun de vous. Ils avaient le même handicap que nous. Mais si j'avais été un païen, si Isabelle t'avait été une païenne dans l'église de Rome, puis qu'on parle d'un Jésus, on parle de l'Ancien Testament, quelle serait ta réaction en tant que païenne? Ben, si ça a fait, si ça aurait fait ce que moi ça a fait dans ma propre vie, moi ça a comme fait, ça a appuyé, c'est solide. C'est solide, ouais. Comme, hey, il était annoncé lui-là, puis là, ouais, il est comment, là. Comment tu ferais, tu es une païenne, tu sais pas toi qu'est-ce qui a été annoncé. Est-ce que tu comment, ben, j'irais vérifier peut-être. Ou j'irais voir quelqu'un qui connaissait. Tu t'adresserais probablement au juif qui est là aux côtés de toi. C'est-tu vraiment ça que ton Ancien Testament disait? Les juifs qui étaient dans l'église, qui étaient là, quand Paul parlait, bien, tous les juifs qui étaient là connaissaient aussi l'Ancien Testament. Ils auraient pu dire, hey, l'apôtre Paul, tu es aux côtés de tes pédales, là. C'est pas ça que l'Ancien Testament disait. OK? Donc, moi, en tant que païen, je peux m'appuyer sur le fait que les premiers à annoncer l'Évangile, c'est des Juifs. C'est pour ça que Paul va dire tout à l'heure, l'Évangile est annoncé aux Juifs, premièrement, et aux païens, après. C'est les Juifs qui me certifient que l'Évangile annoncé vient de l'Ancien Testament. Parce que les autres connaissaient l'Ancien Testament. Donc, même si je suis un peu handicapé, que je ne connais pas l'Ancien Testament, ceux qui me l'annoncent connaissaient l'Ancien Testament. Donc, pour moi, ça m'aide à avoir une certaine confiance là, dans l'État. Que les premiers Juifs, Jésus est un Juif, les 12 apôtres étaient des Juifs, Paul est un Juif. Alors, je me dis, si Jésus n'avait pas été l'accomplissement de l'Ancien Testament, l'apôtre Paul l'aurait probablement rejeté et dire, c'est un imposteur, ce n'est pas vrai, c'est pas ça que l'Ancien Testament nous disait. Vous comprenez? Oui. L'idée? Donc, c'est important qu'on le voit comme ça. Donc, Jésus, c'est celui qui... L'Évangile concerne la personne de Jésus, né de David, fils de David et fils de Dieu. Donc, il y avait eu des prophéties d'accomplies, d'annoncées, et Jésus a accompli ces prophéties. Oui, Daniel? Quand il dit « Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. » Peux-tu développer là-dessus un peu? Moi, je le voyais. Est-ce que donc, tu avais vu toute la Louis II devant vous autres? Ok, donc, si on a tout la même chose. Mais moi, l'Esprit de sainteté, je le vois comme l'Esprit Saint. L'Esprit de sainteté. L'Esprit qui est saint. Okay. L'Esprit qui est au-dessus des autres. Pas un esprit dans le sens de pureté, là. Mais l'Esprit de... Comme des fois, ils vont l'appeler l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus ou l'Esprit de Christ. Ici, c'est l'Esprit de sainteté. C'est comme ça je le vois, tout simplement. Moi, ce que je voulais dire, c'était... Que je voulais dire, c'est qu'il est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, d'après l'esprit Comment il a fait ça? C'est par sa résurrection. Oui, ou selon ce que l'Esprit l'avait déclaré. Ça pourrait être écrit l'Esprit dans cette pensée-là aussi. Donc, c'était un peu ça que je voulais en venir. C'est la version français courante, là, puis ça l'aide à mieux comprendre. Ça dit selon l'Esprit Saint. Selon ce que, dans le fond, l'Esprit Saint disait ou annonçait, là, un peu. Oui, c'est ça que je dirais aussi. Selon ce que l'Esprit avait déclaré dans l'Ancien Testament. Okay, donc, on a Dieu, Jésus, l'Esprit. On a les trois qui sont en ligne de compte dans les trois choses. OK? Donc, il nous reste quelques minutes, puis on va voir là, verset 5. Isabelle, veux-tu lire le verset 5 et 6? Okay. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc, je me suis posé la question, je ne sais pas si ça vaut bien, si vous avez une différence. Par qui nous avons, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, le « nous », là, qu'est-ce, de qui il parle? Ouais, moi aussi, je me demandais ça en disant ça, je dis, de qui il parle, de nous? Nous avons reçu la grâce et l'apostolat, parce que là, il n'a pas nommé deux, trois personnes en haut, il parle juste de lui, Paul, serviteur. Hey, qui parle quand il dit « nous »? Le verset 7, c'est dit à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu. Voilà, il dit à qui il s'adresse, à qui l'Épître s'adresse. Parce qu'il dit, nous avons reçu, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Okay. Donc, c'est Paul. Non, laisse-moi juger. Ça n'avait pas de sens ce que j'allais dire. OK. Parce que le mot « nous » ici, ça nous laisse, ça nous embête un petit peu. Est-ce qu'il se met avec les apôtres, avec les autres apôtres? Ouais. Est-ce qu'il se met à nous, les Juifs? Nous, ceux qui avons reçu les promesses? Nous, qui avons la loi dans cet testament? Nous, qui sommes de David? Nous, qui avions ça? Nous avons reçu le mandat d'annoncer ça aux païens. Comprends-tu? Donc, c'est... J'ai l'impression que le « nous », là, est plus dans cette direction-là que nous, les apôtres, mettons. Tu dis là, Israël, mettons. Ouais, les Juifs, oui. Mathieu, t'as quelque chose? Français courant, ça dit « afin d'amener des hommes de toutes les nations à croire ». Ouais, avant ça, juste les mots avant, ça serait quoi, Mathieu? Okay. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener des hommes de toute nation à croire. Il n'y a pas le mot « nous » là dans ta traduction. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est comme s'il parlait juste de lui. Mais moi, je crois qu'il y a une place ici, un bien fondé que Paul dise, là, parce que il dit « je suis... Jésus, c'est l'accomplissement des écrits de l'Ancien Testament. » OK? Et nous avons reçu le mandat de vous annoncer à vous, tous les païens, l'Évangile de Dieu. Donc, je verrais le mot « nous » comme l'ensemble des Juifs. Surtout quand on lit le restant de l'Épître, on va voir qu'il va mettre une emphase là-dessus un petit peu. L'Évangile, ça vient des Juifs. Ça vient de nous. Et c'est nous qui vous avons annoncé, à vous les païens, l'Évangile. Donc, par Abraham, par la... Ouais. Nous Juifs, par le Père, voyons, physiquement, puis par la foi. Ça aurait été un peu étrange, mettons, que Dieu aurait annoncé, il aurait fait des promesses de la venue du Messie aux Juifs, puis que Jésus serait arrivé chez des païens, puis elle a utilisé les païens pour annoncer aux Juifs. On dirait, c'est à l'envers, pourquoi tu fais ça à l'envers? C'est anormal que si le peuple juif avait reçu les promesses, l'Ancien Testament, les écrits, la loi, Jésus vient chez les Juifs, et il mandate, il appelle des Juifs à aller annoncer aux païens la bonne nouvelle de Dieu. OK? dans ma tête, il y a une espèce de logique, de bon sens, dans cette direction-là. Et c'est là qu'il va dire, il dit, parmi lesquels vous êtes, vous autres, les Romains, et là, c'est là qu'il va arriver au verset 7, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Donc là, il va rétrécir, il dit, on était appelés à vous annoncer à tous les païens, là, il rétrécit son entonnoir, puis il dit, à vous autres aussi, à Rome. Donc là, il s'en va vers eux autres, là, il va dire, là, je vais m'adresser à vous, les gens de Rome. À tous ceux à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, dans le verset 7, on sait à qui il va s'adresser. OK? Là, c'est pas une lettre générale qui annoncera tout le monde, mais il l'a fait un peu pointu. Il s'en va juste vers Rome. Là, il parle à ceux qui sont à Rome. Des païens, l'Église romaine, qui sont majoritairement païens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de juifs dans l'Église, mais majoritairement païennes. Il dit, à vous, à Rome, qui sont bien aimés de Dieu et appelés à être saints. Wow! C'est vraiment, vraiment intéressant, là. Donc, il utilise deux façons de décrire les gens à qui il va s'adresser, à des bien-aimés de Dieu et à des êtres saints, appelés à être saints, à ceux qui ont été mis à part, à ceux qui sont séparés des autres, qui sont dans un peuple à part, qui sont parmi le peuple de Dieu. Donc, il faut bien comprendre qu'il va annoncer l'Évangile à des chrétiens. Mm-hmm. Ça va être important qu'on comprenne ça aussi. Il s'adresse à des croyants. Oui. Il va le dire dans verset 13, 14, 15, là, j'ai un vif désir de vous annoncer à vous aussi l'Évangile. L'Évangile, hein. Donc, je dis, dans notre tête, là, on dit, on va évangéliser les païens, tu sais, les non-croyants. Puis lui, il dit, moi, je veux évangéliser les croyants. Tu dis, c'est bizarre. Il dit, nous autres, on ne le dira pas de même, mais Paul le dit comme ça. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, moi, j'appelle ça, il va mettre de la viande, il va amplifier le message de base, il va y donner du contenu. On pourrait bien résumer l'Évangile en 3-4 phrases. Là, il va y mettre du contenu. Il va expliquer à l'Église. Et je dis ça des fois à des croyants, puis je dis ça au groupe que je m'occupe le dimanche. Dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est juste découvrir l'Évangile dans lequel on a cru. On n'est pas en train de découvrir autre chose. Après qu'on est devenu croyant, qu'on est des bien-aimés de Dieu, après qu'on est devenu des saints, on n'a pas d'autre chose à apprendre que de comprendre l'Évangile. Et l'Évangile, c'est une personne. Voyez-vous, c'est je suis en train d'apprendre à connaître une personne qui est Jésus-Christ. Puis l'Évangile, ça le concerne lui. Donc, on va comprendre, comme Maton va dire, on va comprendre dans les trois premiers chapitres, on va essayer de comprendre pourquoi Jésus a été obligé de s'incarner. Pourquoi il est obligé de venir? Pourquoi il est obligé d'être sacrifié? On va comprendre. Il va nous donner une explication pourquoi il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu? Puis pourquoi il l'a fait? Puis qu'est-ce que ça l'a accompli dans la vie? Donc, il va annoncer l'Évangile à des croyants. OK. Ça va nous aider à découvrir. Nous autres, on va pouvoir se dire, mettons, quand on va arriver au chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Oui. Tout le monde n'est pas sans mal. Il n'y a plus de condamnation possible pour nous. Ah! Donc, c'est pas juste que mes péchés sont pardonnés, je vais aller au ciel. C'est, il va amplifier cela. Il va nous donner des sujets de louange en s'en allant. On va comprendre mieux l'Évangile. Donc, on va se faire annoncer l'Évangile par Paul. Nous, les bien-aimés de Dieu, nous, les saints, on va se faire expliquer par Paul l'Évangile d'une façon plus profonde, je dirais, avec plus d'amplitude, mm-hmm. avec plus de contenu, c'est le mot que j'emploierais, avec plus de contenu. Et peu importe comment ça fait tant qu'on est croyant, on peut toujours en comprendre plus de l'Évangile. Mm-hmm. Toujours. Je ne sais pas si vous avez déjà fait comme moi. Moi, j'achète quelque chose, j'ai un livre sur des paix avec. Là, je vais lire la base. Tu sais, les 3-4 pages qui disent comment partir là, de la base. Puis, des fois, je ne lis pas là. Mais de temps en temps, je retourne lire le gros livre, savoir ah oui, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Ça. Comme après-midi, j'essayais de prendre un iPad que mon frère m'a passé pour le faire mettre sur Bluetooth. Je n'arrivais pas à le faire. Je retourne dans mon livre, aller voir que. Comment faire pour le synchroniser avec son iPhone? Mais flou, je retourne dans mon gros livre. Mm-hmm. Mais pourtant, je l'avais, le gros livre. J'avais l'iPad. Je pouvais m'en servir. Mais tu sais, j'ai appris quelque chose de plus. Mm-hmm. Comment le synchroniser avec un téléphone? C'est un peu comme les mêmes pensées. Je suis marié avec la même femme depuis 45 ans, au moins 46 ans au mois de mai. Non, un peu. 45 ans au mois de mai. Et je découvre encore. Pourtant, j'ai tout eu Denise en me mariant, mais je découvre encore des choses par rapport à Denise depuis 45 ans. Donc, avec Jésus, imaginez-vous donc l'amplitude de la personne divine que je dois apprendre à connaître. Est-ce que Patrick voulait dire de quoi, je pense? Non, moi, j'applaudis. Tantôt. Non, mais avant ça, tu avais commencé à marmonner quelque chose, mais... C'est trop loin. Non. Donc, ça c'est notre introduction. Donc, Paul va s'adresser à une église majoritairement païenne, des Juifs dedans, mais vous allez voir, il va parler, puis on va voir que c'est majoritairement païen à qui il s'adresse. Il va donner des informations... qu'il n'aurait pas eu besoin de donner à des Juifs autant. Mais il va l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de païens qui ne connaissent pas la loi. Mais en même temps, il va avoir des Juifs parce qu'il va expliquer avec Abraham et toutes ces choses-là. Mais son mandat, c'est de leur expliquer l'Évangile. Un Évangile qui est en accord avec l'Ancien Testament. Et cet Évangile-là concerne la personne de Jésus-Christ. Il va s'adresser à des hommes et des femmes qui sont des chrétiens. Donc, il va falloir se rappeler qu'il ne me dit pas ça pour que je devienne chrétien, mais il me le dit parce que je suis un chrétien. C'est différent. Quand Jésus parlait, lui, dans les évangiles, il parlait à des hommes, à des femmes, pour qu'ils deviennent des chrétiens. C'était différent dans l'évangile. Donc, il faut tenir compte, quand je lis un évangile, que Jésus est en train de s'adresser à un peuple de non-croyants, puis les invite à embarquer avec lui dans la Nouvelle Alliance. Quand que je lis l'Épître de Paul, il s'adresse à des croyants et il veut les affermir dans leur foi. Il veut qu'ils comprennent mieux, comme il va dire dans le chapitre, dans les premiers versets. Il dit que je voudrais qu'on s'encourage mutuellement en se partageant des vérités, des dons, des principes, des préceptes qui concerne la personne de Jésus-Christ. OK? Mm-hmm. Donc, ça va être ça pour notre entrée dans l'Épître aux Romains. Okay. Et la semaine prochaine, il va mettre une expansion sur sa raison, qu'est-ce qui l'a poussé à écrire. Mais là, on sait qui a écrit, puis qui a écrit. Ça, on sait ça. OK? Donc, de quoi il veut leur parler, c'est l'Évangile. OK? Donc, on va terminer dans la prière, si vous voulez bien. Je vais demander à Isabelle, ça voudrait terminer par un mot de prière. OK. Je pensais qu'il allait dire taxi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous enseigne sur ta personne. Seigneur, c'est bon de te connaître toujours de plus en plus. Notre adoration grandit par la même occasion. Tu nous émerveilles, Seigneur, toujours. Et merci pour d'avoir pourvu des enseignants. Merci pour François qui que tu as équipé pour nous enseigner. Et c'est bon, Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen.